L'amitié est-elle un remède ou une catastrophe? Une histoire d'amour qui se transforme en histoire d'amitié. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Autrement dit, permettez-moi de reformuler cette question cruciale, l'amitié est-elle autre chose que de l'amour sans sexe? La réponse d'Épicure ce matin sur les chemins après un petit rappel signé Joe Cocker qui reprend une chanson coécrite par John Lennon et Paul McCartney, une histoire de musique et d'amitié. Et toi alors avec Alice? Alice, une catastrophe. Elle veut qu'on soit amis. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de catastrophique, qu'on est amis? Mais non, mais l'amitié, c'est comme l'amour sans sexe. C'est-à-dire qu'on enlève le truc le plus intéressant, quoi. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out? Lay me on ears and I'll sing you a song. Well, try not to sing that key. I wanna get my friends. Bonjour Julia Sissa. Bonjour Adèle Barret. Merci. Sur les chemins de la philosophie, c'est un plaisir de vous accueillir à nouveau. Vous étiez venue il y a quelques années déjà nous parler de la sexualité des dieux. Oui, je me souviens très bien. Eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau. Je rappelle que vous êtes historienne, philosophe, vous enseignez à UCLA en Californie, vous êtes chercheuse au CNRS, l'auteur d'un livre qui s'appelle « Sexe et sensualité, la culture érotique des anciens » aux éditions d'Il Jacob. Et j'espère que la lectrice d'Épicure que vous êtes avait la réponse à cette question. Peut-on dire que l'amitié vient au secours de l'amour et que l'amitié serait autre chose que de l'amour sans sexe? Eh bien, je ne sais pas si dans le langage, dans la pensée d'Épicure, l'amitié vient au secours de l'amour, pour tout avouer. Je pense plutôt que l'amitié et l'amour ne font pas nécessairement bon ménage dans le jardin épicurien, n'est-ce pas? Épicure fonde sa propre école, et cette école est un jardin. Donc, quand on parle de la tradition épicurienne, on parle tout le temps à la Renaissance, et nous aussi, mais Épicure lui-même en parle, et il souligne le fait que c'est un lieu de vie. Être épicurien, c'est une façon de vivre. J'insiste, c'est une forme de vie. Il y a un être là ensemble, dans l'amitié, dans le jardin. Or, dans ce jardin, il y a des hommes qui sont des amis, qui vivent ensemble. Il y a des femmes. Ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Il y a des femmes philosophes dans le jardin épicurien. Mais quand nous lisons la théorie, la pensée vraiment normative, la méditation théorique épicurienne sur l'amour et le sexe et sur l'amitié, nous retrouvons des voies tout à fait différentes. Pourquoi? Parce que d'une part, l'amitié danse autour du monde, n'est-ce pas? L'amitié, c'est la façon d'être avec, dans la justice, dans la réciprocité et dans cette espèce de conviction radicale que le plaisir, c'est le bien. Et la douleur, c'est tout ce qu'il faut éviter. Et donc, si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour tout le monde. Il y a une sorte de poussée universaliste dans la position épicurienne radicale sur le plaisir. Donc, ce qui est bien pour moi est bien pour vous et bien pour tout le monde. Donc, voilà que la théorie de l'amitié chez Épicure est une théorie généreuse. Mais donc vous parlez de théorie. C'est une théorie et c'est une pratique. Parce qu'il faut quand même. Je vous pose la question parce que quand même le corpus d'Épicure est très maigre. Nous avons très peu de textes de lui. Il a écrit quelques phrases au sujet de l'amitié dans ses Maximes capitales et Sentences vaticanes. C'est comme ça qu'on les a appelées. On va entendre quelques-unes de ces phrases. Mais y a-t-il suffisamment de matière pour parler de théorie de l'amitié chez Épicure ? Je crois que oui. Je crois que oui, en fait, c'est quelque chose de tout à fait ironique que nous ayons si peu, mais c'est pas si peu que ça, des fragments. C'est donc une tradition rapportée surtout par Diogène Laërce. C'est ironique parce que Diogène lui-même nous dit que Épicure a écrit plus que tout autre philosophe. Donc c'était une œuvre gigantesque et une œuvre qui a été relayée par toute une série de d'auteurs postérieurs, d'auteurs de dialogue qui placent le personnage épicurien en dialogue, justement en conversation avec les stoïciens et d'autres. Donc nous avons beaucoup de pensées de théorie épicurienne chez Cicéron et puis bien sûr chez Lucrèce. Donc la pensée épicurienne fleurit à Rome au 1er siècle avant notre ère. Donc il y a de quoi. Je pense qu'on peut vraiment parler d'une théorie, mais d'une théorie qui théorise une manière de vivre. Or, pour revenir à votre première question, qui est vraiment le défi, en un sens, de notre conversation, pour revenir à cette première question, quel est le rapport entre l'amitié, l'amour et l'érotique et l'acte sexuel? Eh bien, c'est un rapport difficile. C'est un rapport difficile parce que si le plaisir, une fois qu'on l'a pris au sérieux, une fois qu'on le vit comme le bien, nous amène vers l'amitié comme vers la forme de sociabilité qui s'impose pour la communauté philosophique où on philosophie ensemble, on fait de la philosophie ensemble, n'est-ce pas? On vit en philosophant ensemble. Eh bien, si ça c'est vrai de manière tout à fait logique pour l'amitié, eh bien, pour ce qui est de l'activité sexuelle, les choses se compliquent tout de suite. Ce qui est un paradoxe, parce qu'en un sens, l'acte sexuel, n'est-ce pas? Le désir, l'excitation sexuelle, le corps qui bouge, surtout le corps masculin, qui est toujours un peu le paradigme ici. C'est tout ce qu'il y a de plus immédiat, c'est ce qui arrive, ce qui se produit. La sexualité entre femme et homme est aussi ce qui rend possible, n'est-ce pas, la continuation de l'espèce, donc la nature. La nature ne peut survivre que s'il y a de l'acte sexuel qui se produit. Donc, si on est un épicurien, on dit oui à l'acte sexuel, parce qu'on dit oui parce à la nature. Parce qu'on dit oui à la nature, parce qu'on dit oui au plaisir, parce qu'on dit oui au plaisir naturel. En même temps, dès le départ, et ça fait partie justement des écrits d'Épicure, des fragments que nous avons, en tout cas, cet acte sexuel qui est tellement immédiat, naturel, qui s'impose, et qui est aussi nécessaire pour la procréation, eh bien cet acte sexuel fait problème. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'acte sexuel n'est pas isolé de notre vie. Cette façon d'être dans le philosopher ensemble, n'est-ce pas, qui fait que nous sommes incarnés, nous sommes avec d'autres, nous sommes dans un tissu social, fait que l'acte sexuel a des conséquences. Et pour le philosophe moral épicurien, c'est ça qu'il faut garder toujours à l'esprit, les conséquences. Oui, mais pardonnez-moi, ça veut dire que la sexualité n'est envisagée que dans le cadre du jardin ? Qu'avec les amis qui sont présents dans le non, jardin? Non, justement, que là, oui, ça pose problème. C'est là que ça pose problème. Ça pose problème dans le jardin et hors du jardin. Parce que, permettez-moi d'évoquer justement un des fragments d'Épicure. Il s'adresse, comme toujours, à quelqu'un, à un tu, n'est-ce pas ? C'est une philosophie amicale qui est toujours un peu dialogique ou épistolaire. Tu me fais savoir que chez toi, le mouvement de la chair te rend particulièrement enclin à l'acte sexuel. Et tu me demandes conseil. Qu'est-ce que je peux te dire sur cette question ? Eh bien, je te dis ceci. Tant que tu ne congédies pas les lois, tant que tu n'ébranles pas les usages établis, tant que tu ne causes pas une peine à ton prochain, tant que tu n'épuises pas ta chair et tant que tu ne consumes pas ce qui est nécessaire à ton existence, fais comme tu veux. Oui, ça fait beaucoup de conditions. Ça fait beaucoup de conditions. Et la chute, attention. Il n'est pas possible de ne pas être retenu par l'une ou moins de ces conditions. Les plaisirs du sexe ne sont jamais profitables et il faut se réjouir s'ils ne font pas de tort. Alors, vous voyez le paradoxe. Avec Épicure, il faut faire attention parce que Épicure nous donne l'impression que tout est simple, n'est-ce pas ? C'est une philosophie qui dit « débarrassons-nous de la dialectique, débarrassons-nous de la métaphysique, ayons une bonne physique ». Nous en avons parlé, vous en avez parlé dans ces émissions précédentes. Yeah. Alors, il faut avoir une bonne métaphysique, il faut se débarrasser d'une certaine représentation mythologique, narrative, passionnelle des dieux. On simplifie le corpus philosophique. Mais en même temps, il faut faire très attention parce que cette simplification ne signifie pas que les choses sont simples. Et justement, l'acte sexuel est un très bon exemple de la fausse simplicité qui résulte de la position épicurienne. Donc, que faut-il faire ? Que faut-il faire ? Eh bien, il faut soupeser, il faut comparer, il faut mesurer. Et c'est ça justement l'impératif fondamental d'Épicure. Il faut réfléchir sur un mode de raison pratique, de phronésis. Nous ne sommes pas trop prudence, loin d'Aristote, ici, n'est-ce pas ? Cette prudence, cette raison pratique qui fait que, devant la possibilité du plaisir, on ne fait pas une question de principe. C'est ça qu'Épicure dit à son interlocuteur. Je ne vais pas te dire que c'est bien ou que c'est mal. Je te dis réfléchis, décide. Avec toi-même. Ce qui est quand même un paradoxe, Julia Cissa, parce que le propre du désir sexuel, c'est que ça ne se passe pas vraiment dans la raison. Non, ça se passe dans le corps, et tant que ça reste à l'étage. Qui, lui, n'est pas bon philosophe, généralement. N'est pas bon philosophe, mais on vit. On vit bien avec son corps, on vit bien avec sa chair, si l'on est un bon épicurien. Et ça, c'est là où ça se complique, tout en se simplifiant, si vous permettez. Pourquoi ? Parce que si on est un bon raisonneur ou une bonne raisonneuse dans le jardin, eh bien on se pose des questions sur les conséquences de l'acte sexuel. Est-ce que mon plaisir maintenant va être mon déplaisir demain ? Est-ce que mon plaisir maintenant va être le déplaisir d'autres personnes autour de moi ? Est-ce que cet acte sexuel va me coûter une sorte de dépense inutile d'énergie, de temps, qui va ruiner ma vie sociale? Ça, c'est un thème extrêmement important qu'on retrouve très fortement chez Lucrèce aussi. Le sentiment du néant qui peut être engendré par une obsession sexuelle qui se transforme en amour, n'est-ce pas? Donc, quand l'intensité sexuelle devient quelque chose qui vous accroche à un corps particulier et qui fait que vous faites retour vers ce corps particulier, que vous n'avez jamais assez de ce corps particulier, que vous voulez l'embrasser, que vous voulez le tenir, que vous voulez faire un avec ce corps dans une espèce de fusion, eh bien ça porte à conséquence, et ce sont ces conséquences-là qui sont ruineuses, et il faut dire non. Mais oui à l'acte sexuel unique avec telle personne, et puis un autre acte sexuel avec une autre personne. Donc, le sexe est un remède à l'amour quand il devient passionnel, obsessionnel, insatiable et fondamentalement douloureux. Donc, Le problème, c'est l'emprise, c'est ça. C'est l'exclusivité qu'implique l'amour. Oui. Alors que le désir est multiple, donc il y a une sagesse de la sexualité qui nous porte vers des corps différents. Alors, le corps n'est pas un problème. Si on est épicurien, on est incarné, on est dans le corps. Écoutez votre corps. Vous avez faim, vous mangez un peu de polenta, comme en latin, ce qui n'est pas... C'est ce que mangeait Épicure, hein. Il mangeait de maïs. Absolument. C'était peut-être pas du maïs, mais ça pouvait pas vraiment l'être, mais c'était cette idée, une bouillie, n'est-ce pas? Vous avez soif, vous pouvez un verre d'eau, ou beaucoup d'eau. Il y a un merveilleux fragment de Sénèque, pas un fragment en fait, une lettre de Sénèque qui dit il y avait une inscription à la porte, justement au portail du jardin d'Épicure qui disait « Reste ici, tu vas être très bien, tu vas être bien reçu, justement avec de la polenta et beaucoup d'eau et tu vas être heureux, reste ici donc, et tu trouveras aussi beaucoup d'amitié. » Donc, c'est ça qui vous fait du bien. L'acte sexuel est dans ce registre-là, de ce qui vous fait du bien tant que ça n'engendre pas l'amour comme obsession douloureuse. On va quitter un instant le jardin d'Épicure, car la question se pose, Julia Sissa, de savoir si ce que dit Épicure dans le cadre de son école philosophique, ce jardin composé d'hommes et de femmes, vous le rappeliez juste avant, dans quelle mesure ce qu'il dit donc s'applique à d'autres circonstances, à des personnes qui ne vivraient pas selon un précepte épicurien, c'est-à-dire finalement un peu tout le monde, et notamment Harry qui rencontre Sally. Want to spend a night in a motel? See what I did? I didn't let it lie. Harry. I said I would and then I didn't. Harry. I went the other way. Harry. What? On va se contenter d'être de bons amis, d'accord? Génial, amis? Oh, ça y a pas mieux. Tu sais bien sûr qu'on ne pourra jamais être amis. Pourquoi pas? Bon, alors je vais te dire un truc. Et je te jure que ce n'est pas de la drague, hein, sous aucune forme. Entre hommes et femmes, il ne peut pas y avoir d'amitié parce que le sexe fait toujours barrage. Tout ça, c'est faux. J'ai un tas d'amis hommes avec qui la question sexuelle ne se pose pas. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ça, c'est ce que tu crois. Tu insinues que je fais l'amour avec ces mecs à mon insu. Je dis seulement qu'ils ont envie de faire l'amour avec toi. Qu'est-ce que t'en sais? Parce qu'un homme ne peut pas être ami avec une femme attirante. Il a toujours une envie folle de se la faire. En clair, tu dis qu'un homme ne peut être ami avec une femme que s'il la trouve tarte. Non, les moches, on veut se les tirer aussi. Et si elles n'en ont pas envie? Peu importe. Une fois que le sexuel a montré le bout de son nez, plus la peine de penser à l'amitié, elle est foutue. C'est QFD. Je crois qu'on sera pas amis, alors. Et non. C'est dommage. T'es la seule personne que je connaissais à New York. De même qu'un homme assoiffé cherche à boire dans son sommeil, et le liquide n'est pas là qui puisse éteindre le feu dans son corps, mais il court après des simulacres de liquide, et ses efforts sont vains, et il reste avec sa soif au milieu du torrent où il boit. Ainsi, en amour, Vénus, par des simulacres, se joue des amoureux. Ils ne peuvent se rassasier de contempler le corps de l'être aimé en sa présence, et ne peuvent de leurs mains rien détacher des tendres membres et rendre incertains sur le corps tout entier. Enfin, membres accolés, quand ils jouissent de cette fleur de jeunesse, quand déjà le corps envisage des joies et que Vénus est au point d'ensemencer le champ de la femme, avide, ils clouent son corps. Ils joignent leur salive à la sienne. Leur souffle pénètre sa bouche qu'ils pressent de leurs dents. En vain, puisqu'ils ne peuvent rien détacher de son corps, ni le pénétrer, et de leur corps aller jusqu'au tréfonds de son corps. C'est en effet par moments ce qu'ils semblent vouloir faire et le but de leur combat, tant le désir les accroche aux liens de Vénus, tandis que, par la violence du plaisir, leurs membres fondent et se liquéfient. Enfin, quand le désir amassé dans leurs nerfs a trouvé sa sortie, la violence de leur ardeur se calme pour un moment. Puis retourne la même rage, et cette folie revient alors qu'ils se demandent eux-mêmes ce qu'ils désirent atteindre et ne peuvent trouver un moyen de vaincre ce mal. chemin de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons d'Épicure cette semaine, aujourd'hui en posant une question cruciale. L'amitié peut-elle venir au secours de l'amour? À savoir, l'amitié est-elle autre chose que de l'amour sans sexe? Harry et Sally discutent ensemble dans le film Quand Harry rencontre Sally, hein, de Rob Reiner qui date de 89. Harry affirme face à Sally qu'il ne peut pas y avoir d'amitié entre un homme et une femme. Pourquoi? Eh bien, c'est peut-être dans le texte de Lucrèce que nous avons entendu ensuite que la réponse se trouve, Julia Sissa. Ce texte magnifique, d'ailleurs La nature des choses de Lucrèce, est un texte sublime du début à la fin, poétique, philosophique, extrêmement fort, qui s'intéresse ici à la nature particulière du désir. C'est le terme que nous n'avons pas encore vraiment prononcé et qui va nous permettre d'avancer dans la discussion. Oui, désir insatiable. Le mot-clé, en fait, est cette qualité de l'appétit et surtout du désir sexuel qui est d'être un désir qui insiste, qui se renouvelle dans le temps et qui nous donne seulement des instants de trêve dans une expérience qui est une expérience d'écoulement, n'est-ce pas, d'immersion dans un fleuve où on ne parvient pas à se désaltérer. Alors, dans ce texte magnifique, vous avez entièrement raison, tout est dit. Si on veut vraiment saisir la possibilité théorique de la pensée épicurienne sur l'amour et sur le désir et sur le plaisir, c'est ça qu'il faut lire. Parce que Lucrèce pousse à l'extrême cette méfiance vis-à-vis des conséquences de l'acte sexuel que nous avons vu dans le fragment que j'ai brièvement cité tout à l'heure. Pourquoi ? D'Épicure, oui. C'est-à-dire que Lucrèce radicalise le danger de la passion amoureuse. Il radicalise ce qu'il faut craindre, justement, du passage de l'acte sexuel qui est naturel à la passion amoureuse. Alors, permettez-moi de revenir une seconde sur ce passage, parce que tout se joue dans le temps. Nous avons, avec la pensée épicurienne, une véritable réflexion sur le temps et sur la dimension du temps et de la transformation. Alors, l'acte sexuel, nous avons dit, c'est naturel. On est jeune, il y a une disposition saine du corps à l'excitation sexuelle. Et alors là, Lucrèce serait d'accord justement que l'image simulacre d'un beau corps désirable a sur vous un effet physique. C'est-à-dire que vous êtes frappé, comme nous disons. Alors ce langage-là, ce langage justement de la collision, est notre entrée dans le discours amoureux lucrécien. Comme les deux atomes qui s'entrechoquent comme pour former des corps. Comme les deux atomes, c'est exactement le même langage. Ce dont nous parlions hier, oui. Vous êtes là, n'est-ce pas? Vous êtes là, vous avez les yeux ouverts. Votre âme qui est faite d'atomes matériels, et c'est du matériel, n'est-ce pas? C'est du matériel un peu rare, très très fin, ce qui compose votre âme. Eh bien, le simulacre d'un beau corps jeune vient, frappe, vous êtes blessé. Vous pouvez pas vous soustraire. C'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre, absolument. C'est le simulacre vole dans l'air, flotte dans l'air, et il vient vous chercher, il vous tombe dessus. Donc, toutes ces métaphores que nous utilisons comme ça, un petit peu, comme si elles étaient spontanées, ont une histoire. Et alors, cette histoire-là, chez les épicuriens, chez Lucrèce, c'est une histoire radicale. Vous êtes là, vous êtes frappé. Si vous êtes un homme, vous allez avoir une érection, vous pouvez pas échapper, et ici l'analogie avec la blessure. Vous êtes frappé, vous êtes blessé. Et de la même façon dont une blessure va faire jaillir du sang au visage de la personne qui a causé la blessure, de la même façon, il va y avoir une émission de semences, n'est-ce pas ? Du corps qui mécaniquement, physiquement, répond à l'impact du simulacre. Donc, cette réponse, cet événement, l'effet de cette collision atomique dont nous parlions, est quelque chose qui vous arrive. Et ça, c'est Vénus pour nous. Il y a cette phrase merveilleuse. Vénus, oui. C'est Vénus pour nous. Voilà, nous sommes chez Lucrèce, c'est Vénus pour nous. Ce n'est que ça. Et là, on parle d'amour ou de désir ? On parle de désir. Et ça, c'est justement ce qu'il faut maintenant agrandir. Le passage, la transition. Il se peut que vous trouviez le simulacre particulier, le visage particulier, les formes, les traits particuliers de ce corps que vous a blessé tellement attrayant que vous voulez y revenir. Et ce désir de répétition, c'est ce qui vous perd, parce que ça veut dire que vous tombez amoureux ou amoureuse. Il y a toujours un paradigme masculin, là, vraiment anatomo-physiologique. Ce serait très intéressant de voir comment les femmes se collent à ce paradigme ou pas. Mais en tout cas, vous vous accrochez. La blessure se met à pourrir. Ça devient une plaie invétérée. C'est dégueulasse. Ça vous fait souffrir. Ça pousse, ça s'inflamme. C'est ça l'amour pour Lucrèce. C'est la gangrène du sexe, l'amour pour Lucrèce. Et alors, au moment où vous vous laissez prendre, au plaisir, désir de retrouver le simulacre, eh bien vous êtes dans l'illusion, parce que immédiatement vous commencez à ne pas voir la personne, le corps que vous désirez, pour ce que ce corps est, vous allez l'idéaliser d'une façon ridicule. Une femme très grande, vous allez dire qu'elle est majestueuse, n'est-ce pas, à la Mozart. Et en fait, c'est parce que l'amour est aveugle, au sens que l'amour déforme complètement votre perception. Vous allez donc être dans le mensonge, dans l'illusion d'optique permanente. Vous allez être dans la jalousie, dans l'angoisse de perdre l'objet. Pourquoi ? Eh bien, parce que votre désir va être insatiable. Vous voulez vous emparer du corps de l'autre. Vous voulez faire un, comme je disais, comme le texte magnifique qui a été lu le dit de manière si baroque, en un sens. Oui. Il y a ce désir de fusion, n'est-ce pas ? Et cette impossibilité. Donc le désir insatiable rend le plaisir impossible parce que il ne peut y avoir que des instants d'intervalle dans une expérience de folie, de désir d'avoir davantage et encore. Mais est-ce que encore. C'est l'amour qui rend le désir insatiable ? C'est ce passage. Ou est-ce que c'est la nature du désir qui est en elle-même insatiable ? Est-ce que le désir ne cesse de se renouveler ? Est-ce que c'est l'amour qui fait que le désir, pour une personne, ne trouvera jamais de fin ? Oui, parce que vous pouvez arrêter cette transition. Vous pouvez vous empêcher d'aimer. Et ah oui, ce poème veut être un art d'aimer, mais un art d'aimer négatif. Il faut éviter l'amour. C'est vraiment littéral en latin, n'est-ce pas ? Amorem vitare. Et c'est ça que Lucrèce veut apprendre à son interlocuteur de manière très, très didactique. C'est à sa manière, il est un professeur de désir, n'est-ce pas ? Il est un précepteur d'amour. Et donc, il faut éviter l'amour. Comment ? Et ici, nous avons le remède. Eh bien, si vous savez qu'il faut surtout pas vous accrocher à un corps particulier, si vous savez quelles sont les conséquences de votre attachement qui va devenir illusion, qui va devenir insatiabilité, qui va devenir déception, qui va devenir une expérience du néant, parce que tout ce vouloir embrasser, c'est pour rien, comme le poète nous dit. Si vous savez tout ça, qu'est-ce que vous faites ? Vous évitez de tomber amoureux. C'est faire grand cas de la volonté en amour. Mais on pourrait surtout rétorquer, Épicure, oui, que si l'amour rend le désir insatiable, c'est peut-être une bonne nouvelle. Qui ne souhaite pas désirer à l'infini? Qui ne souhaite pas voir son désir s'éteindre, et surtout dans le cadre d'une relation amoureuse? C'est plutôt l'expérience de l'inverse qu'on fait au quotidien, que l'amour conduit peu à peu à une lassitude, à une extinction du désir. Alors j'entends dans ce que dit Épicure la possibilité d'y voir une bonne nouvelle. C'est une possibilité, mais malheureusement, c'est une très mauvaise nouvelle. Ah. C'est une très mauvaise nouvelle. Parce qu'on va souffrir. Parce que tout ce qu'on a décrit dans cet acte sexuel qui est un acte d'impuissance, hein, c'est le vocabulaire, surtout en latin, c'est très frappant. Ce n'est pas possible. Tu essayes d'attraper, tu essayes de mélanger la salive, tu essayes d'incorporer, tu essayes de rentrer dans le corps de l'autre, n'est-ce pas? Les corps ne sont pas pénétrables. Il y a une physique des corps. C'est-à-dire que c'est une joute, là, oui, que Michel Foucault aurait raison, n'est-ce pas? C'est une joute. Au lit, on se bat. On se bat pour faire un, et c'est impossible. Donc on souffre sans arrêt. Ça vous souffre, mais en désir. Préférez-vous une vie sans désir où vous ne souffrez pas, une vie de désir où vous souffrez? Mais bien sûr, après je vous dirai ce que je peux faire. Si nous donnons voix à Lucrèce, mais ça c'est l'échec. C'est la folie, c'est le fureur, c'est l'échec maximal, n'est-ce pas? C'est le néant. C'est ça, c'est une expérience du néant, l'amour. Parce que la frustration est quelque chose qui vous entraîne. C'est pas la frustration, oh, je n'ai pas exactement ce que je voulais. Mais non, vous êtes dans ce torrent qui vous emporte. Et alors, contre ce torrent, vous avez un remède qui est la promiscuité sexuelle. Alors, on était parti sur la question du secours et du remède. Alors, pour Lucrèce. Oui, maintenant que le problème est posé, qu'est-ce qui peut nous aider une fois qu'on est tombé en amour? Alors, l'interlocuteur est un jeune homme plein d'énergie sexuelle. Il faut aller décharger, littéralement encore. C'est un langage, n'est-ce pas, tout à fait physique. Il faut aller décharger ce fluide séminal sur d'autres corps. Il faut s'exposer à d'autres blessures qui fassent jaillir, n'est-ce pas, la semence vers d'autres beaux visages, d'autres beaux corps. Donc, c'est la Venus vulgivaga qui vous remet en mouvement. Il faut que vous soyez comme un atome, si vous voulez. Dans l'univers de Lucrèce, il faut bouger. Mais il faut bouger en évitant l'amour et en allant vers d'autres corps désirables, vers du sexe, sans passion. Ça veut dire que peut-être l'amour et le sexe peuvent faire l'objet d'un apprentissage que l'on peut, comme le dit Ovide, apprendre à aimer. Voici un extrait pour aller dans ce sens, Julia Sissa, de L'art d'aimer d'Ovide, lu, enfin interprété librement par Michel Piccoli, avec un arrangement de Pierre Perret. Femme, ne refusez point à l'ardeur de vos amants les plaisirs qu'ils sollicitent. La beauté est un bien périssable. Le fer, le caillou s'use, s'amincissent par le frottement. Mais cette partie de vous-même résiste à tout. Et vous n'avez point à craindre pour elle les mêmes effets. Femme, fais attention surtout de ne pas laisser croire à ton amant qu'il n'a point de rival. Sans la rivalité, l'amour ne dure guère. Qu'il voit sur ta couche les traces d'un autre possesseur de tes charmes et sur ta gorge meurtrie les marques de ses caresses. Qu'il voit surtout les dons que t'a fait son rival, que ta langue le charme en lui cachant tes projets. Caresse-le pour mieux le perdre. Le doux miel couvre le poison le plus subtil. Et toi, jeune amant, si tu as à cœur de conserver l'amour de ta maîtresse, fais en sorte qu'elle te croie émerveillée de ses charmes. Sois l'amant dont elle arrache les cheveux dans sa fureur jalouse. Sois celui dont elle déchire le visage avec ses ongles, dont la vue fait couler les larmes, qu'elle regarde d'un œil farouche. À ses pleurs, mêle les plaisirs de l'amour et ne te hâte pas trop d'atteindre le terme du plaisir. Mais sache par d'habiles retards y arriver doucement. Puis viendront les plaintes mêlées d'un tendre murmure, les doux gémissements et ces paroles agaçantes qui stimulent l'amour. Voguez de concert vers le port, la volupté est au comble lorsque, vaincu par elle, l'amante et l'amant succombent en même temps. Waouh, merci France Culture de nous laisser quand même diffuser 3 minutes de délire picolien, ovidien. Pierre Perretien, Julia Sissa, qui illustre parfaitement ce que nous sommes en train de dire. Ovide était un lecteur d'Épicure. Alors, Ovide est surtout un admirateur transi, en un sens, de Lucrèce. Lucrèce qu'il appelle sublime. C'est vraiment le poète, philosophe qui, pour Ovide, est toujours là. Est toujours là et c'est un aspect de la manière ovidienne de penser, d'écrire qui est aujourd'hui de plus en plus reconnu, n'est-ce pas? Ovide très souvent parle en ayant Lucrèce à l'esprit. Or, à mon avis, on peut aller très loin dans cette sorte de duo, n'est-ce pas, rétrospectif d'Ovide par rapport à Lucrèce. Et donc, d'Ovide par rapport à l'épicurisme de Lucrèce, sur justement la question de l'amour et du sexe. De l'amour et du sexe, du plaisir et du désir. Pourquoi? Parce que si nous écoutons, comme nous l'avons fait, merci France Culture, ces deux passages. En l'occurrence, merci Thomas Bock à dénicher cette perle. Ah, c'est une perle dans la perle, parce que l'art d'aimer est un collier de perles, et les vers qui ont été cités vraiment nous donnent tout ce qui est l'esprit de ce texte. Alors, si on écoute ensemble le texte magnifique de Lucrèce et le texte précieux d'Ovide, eh bien, on voit ce qui se passe entre les deux. On voit qu'Ovide renverse complètement, point par point, toutes les idées de Lucrèce. Et donc, pourquoi? Pourquoi? Parce que, pensons à ce que devient faire l'amour, se trouver dans un lit, pour Ovide, dans l'art d'aimer, et ce qu'était cette même position-situation pour Lucrèce. Pour Ovide, enfin, l'acte sexuel est un acte de rencontre de corps, de plaisir partagé, et l'accent n'est pas mis sur la frustration, sur l'insatiabilité, sur l'impuissance de faire un à partir de deux, c'est tout le contraire. C'est l'art. L'art remplace la raison, c'est l'art de faire plaisir à l'autre, de se mettre au temps de l'autre, de trouver justement ce rythme partagé qui fait qu'on est deux. On est deux et on le sait. C'est un peu une situation de caresse à la manière de Jean-Paul Sartre, n'est-ce pas, grand théoricien, à mon avis, à sa manière et à son insu, ovidien de l'amour. Et donc, on est deux, on le sait, on se fait plaisir. On est dans l'interaction érotique qui produit du plaisir pour l'autre et pour soi. Et l'acte sexuel réussi, qui se reproduit non pas parce qu'on serait obsédé insatiable, mais parce qu'on veut encore plus de plaisir, et ce plaisir est possible, est la culmination de toute une manière de vivre l'amour, l'amitié, si vous voulez, et le désir érotique, le désir sexuel, ensemble. C'est-à-dire, ce que Ovid fait, c'est de repenser radicalement la possibilité du plaisir. La possibilité du plaisir, non pas l'impuissance d'un désir insatiable qui fait que plus un désir est moins on jouit. On a l'impression de jouir, mais en fait, votre jouissance est toujours mélangée de désir, donc de frustration, donc de manque. Non, non, non, on fait place nette. C'est vraiment une palinodie, une résurrection de l'érotique avec Ovid. Avec Ovid, vous avez enfin une sorte de trêve, disons, amicale entre le sexuel et l'amoureux. Et la relation amoureuse est une relation de quête, de recherche, de projet de se faire aimer. Essayer de courtiser l'autre, ça veut dire captiver le désir de l'autre pour soi-même. Et une fois qu'on l'a captivé, il faut cultiver cette relation de couple. Paradoxalement, l'art d'aimer d'Ovide est une espèce d'invitation à se faire artiste de l'amour. Et l'objet que l'on crée dans cet art d'aimer est justement la relation d'amabilité. C'est-à-dire... Oui, c'est ça, vous parlez d'amour ou d'amitié, là, finalement. Voilà. Et avec Ovid, tout vous réussit, n'est-ce pas? Si vous l'écoutez... C'est l'épicure optimiste, quand Lucrèce était l'épicure voilà. Vous négatif. Avez... Tout à fait rendu cette sorte de tension entre le sublime Lucrèce et cet élève qui devient justement maître à penser du désir et de l'érotique, qu'est Ovide, et Ovide qui repense la voluptas, qui repense le plaisir pour s'en faire un allié et pour faire du plaisir le centre, le cœur, non seulement du sexuel, mais aussi, comme nous disions, de l'amour. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que le couple? Est-ce que dans le couple, on est amis? Eh bien entendu, on veut faire l'amour, n'est-ce pas? On veut ce plaisir des sens, on veut ce plaisir des corps, s'étendre dans le lit, dans le bras l'un dans l'autre, et on veut jouir ensemble. Mais on ne fait pas que cela. Dans la relation amoureuse, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les hommes d'abord doivent se féminiser. Ils doivent se féminiser, doivent se civiliser, doivent apprendre à plaire aux femmes en devenant un petit peu féminin. Pas trop, mais jusqu'à un certain point. Ça veut dire quoi, être féminin? Ça veut dire que on ne peut pas être macho si on veut être un amoureux, pour Ovid. On ne peut pas être rude, on ne peut pas être dans le corps, dans la raideur, dans la violence, dans l'immédiateté. On ne saute pas dessus. Il faut se retenir, il faut attendre. Le mot-clé est un mot très intéressant en latin, le mot mora. C'est l'attente. Une attente active, vous courtisez, vous suivez, vous faites des cadeaux, vous écrivez des poèmes, vous accompagnez, vous vous mettez au service, la grande métaphore du servitium amoris, de l'esclavage amoureux, au service de la maîtresse, de la domina, n'est-ce pas? Et tout cela parce que ce qui vous intéresse, ce n'est pas le corps de la femme. Que vous allez prendre, n'est-ce pas, que vous allez saisir, dont vous allez vous emparer. L'art d'aimer est un art de ne pas violer. C'est un art d'attendre, de faire en sorte que l'autre finisse par vous apprécier. C'est un art de plaire, c'est le projet de se faire aimer. Donc, pour réaliser tout cela, vous devez Si vous êtes un jeune, mâle, soldat, citoyen, romain, vous devez vous transformer vous-même. Vous devez apprendre à parler doucement. Vous devez apprendre à pleurer. Vous devez apprendre à vous montrer dans la pâleur. Vous devez apprendre à baisser la tête, à vous agenouiller, à dormir sur le seuil de votre bien-aimé. Donc il y a une espèce de façonnement de soi et de transformation de la rudesse masculine, n'est-ce pas ? Il faut être viril, mais il faut être viril au bon moment, au bon endroit, en se transformant jusqu'à un certain point dans une espèce de métamorphose transgenre. Oui, alors justement, ben oui. Qu'en est-il pour la femme ? Que doit-elle apprendre pour bien aimer ? Alors, la femme a beaucoup ou bien jouir, à apprendre. Selon les points de vue. Jouer, le mot-clé. Le rapport d'amabilité. Oh, jouir et jouer, mais ils vont ensemble chez Ovid. Alors, la femme est le destinataire, la destinataire du troisième livre de l'art d'aimer, trois livres donc le poème, deux adressés aux hommes, jeunes hommes, parce qu'il faut les éduquer un peu plus, n'est-ce pas ? La matière première masculine a besoin de plus de travail pédagogique. Et aux femmes, Ovid dit, eh bien, à vous de d'aller pêcher l'objet de votre désir. Métaphore de la chasse pour les jeunes hommes, métaphore de la pêche pour les dames. Alors, triangulation que je trouve personnellement très amusante. Aux jeunes hommes, on va dire, eh bien, sortez, jeunes Romains, allez au cirque, allez au jardin, il faut aller chercher la personne, la pouelle qui va vous plaire, à laquelle vous allez dire « tu es la seule qui me plaît ». Aux femmes, le poète va dire « eh bien, mesdames, sortez pour vous faire trouver à ces endroits ». Donc, vous voyez l'ironie qu'il y a là-dedans, parce que les hommes sont censés aller à la chasse, comme s'ils étaient dans une position de maîtrise, d'initiative, de mouvement très dynamique. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont trouver la jeune femme à qui ils vont dire « tu es la seule qui me plaît » Parce que la jeune femme s'est organisée, s'est arrangée à sa manière pour être là. Donc, qui est le chasseur? Qui est la proie? Qui est le pêcheur? Qui est le poisson? Il y a vraiment un jeu de d'ironie et de réciprocité. De jeu surtout. Il y a un jeu. C'est pas de l'essentialisation. D'ailleurs, vous avez employé le mot de transgenre. Ça veut dire que ce qu'Ovid décrit s'applique à des relations homosexuelles, hétérosexuelles, peu importe. Ce sont des jeux. Peu importe. C'est un jeu et c'est un jeu avec le temps. Nous l'avons dit tout au début de cette conversation, le temps est essentiel. L'amour est une forme de métamorphose. Vous transformez le désir de l'autre pour le rendre un désir pour vous-même, vous vous transformez vous-même tout en désirant. Et donc, on est dans la fluidité, et on est dans la possibilité, on est dans une maîtrise qui est une maîtrise jouée. Et voilà pourquoi la relation d'amabilité dans voilà. Le couple... Il y a l'amitié. Revenons, il nous reste une minute, le temps aussi passe dans cette émission, Julia Sissa. Concluons avec cette question de l'amitié. Dans le couple. Évidemment, c'est de ça qu'il est question ici. On s'entend bien dans le couple et dans la vie quotidienne de l'artiste de l'amour mâle avec une artiste de l'amour femelle. Ce qui se passe, c'est une sorte de jeu continu, de plaisir continu, de réciprocité continue. On chante, on danse, on fait la conversation, on lit des poèmes et on joue. Il faut jouer. Jouer à toutes sortes de jeux compliqués, d'échecs. Et il faut faire semblant de perdre pour faire gagner l'autre. Et donc, on joue. Et tout en jouant, on joue encore plus. Et voilà, en un sens, l'amitié joyeuse qui résulte quand on abandonne l'angoisse lucrétienne et on réinvente une véritable philosophie de la volupté avec Ovid. Il pense à moi, je le vois, je le sens, je le sais. Je le sens, je le sais. Et son sourire ne ment pas quand il vient me chercher. Quand il... Je ne sais pas comment l'aimer, chante Céline Dion les premières années. Hein, c'était le titre de son album d'amour ou d'amitié. Eh bien, peut-être on peut l'inviter à lire L'art d'aimer d'Ovide. Et Julia Sissa, je retiendrai cette phrase de vous. L'art d'aimer pour Ovide, c'est l'art de ne pas violer. On peut lire votre texte, Sexe et sensualité, la culture érotique des anciens, aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'être venu conclure cette série sur Épicure. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure du journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous nous parlez de hip-hop ce matin. Et oui, il y a quelques jours, une philosophie du hip-hop est parue aux éditions XYZ. Son auteur s'appelle Jérémy McEwen. Il est professeur de philosophie, chroniqueur radio et il enseigne depuis 2016 au Canada un cours sur le sujet. Comme c'est essentiellement la musique que j'écoute, j'ai forcément été interpellée. La tentation est d'ailleurs toujours là, quand on est en terrain familier, de saisir les tenants et aboutissants de ce qui nous touche, de comprendre pourquoi on aime tant une chose. À quoi peut bien donc ressembler une philosophie du hip-hop? Fait-elle système? Quels sont donc ses principes, ses formes et sa finalité? Tout ce qui fait qu'elle peut résonner en nous, en moi. Me on King Kong, standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, call, close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Comme toute philosophie, il s'agit de commencer par le début, de remonter aux origines, aux fondements. Donc, Grandmaster Flash, comme d'habitude, dans lequel il s'agit de détecter les éléments fondamentaux du hip-hop au nombre de 4 selon ce livre. D'abord le DJ, qui avec son autonomie rapièce n'importe où, hors des lieux dédiés des morceaux du passé et crée quelque chose de neuf. Le graffiti, qui énonce hors des lieux dédiés aussi sur les murs, dans les métros, des messages tels des écrivains. Le break, qui donne son mouvement saccadé, c'est la danse, explosif au hip-hop. Et puis bien sûr, quatrième élément, le rap. Avec ces rappeurs qui formulent des principes philosophiques, nous dit ce livre, matérialisme, coopération et compétition, réalisme, éthique relationnelle de l'amitié, métaphysique du changement, rapport à la mort et à la folie. Je dois dire qu'en lisant ce livre, j'ai été agréablement surprise. Pas de plaquage de philosophes connus et surplombants, pas non plus d'évitement du sujet qui passerait par une simple description sociologique du hip-hop. Ce livre n'usurpe pas son titre de philosophie tout en étant au plus près du genre musical. Et pourtant, il m'a manqué quelque chose. I done came up, busting down the whole bag. Broke nigga step back, bunch of people nigga swag. Ain't even gotta ask, what are those, what is that? Please don't touch my wrath, please don't touch my wrath. I'm racked up like rappers, I'm wrapped up on camera. Get knocked out on camera, squeeze pump like asthma. It's rare wrath when I wear. Alors que m'a-t-il manqué dans cette philosophie du hip-hop pourtant complète? Le problème tient, je crois, à deux choses. D'abord, le fait qu'on attende d'une philosophie qui porte sur des sujets populaires, séries, films ou types de chansons ou chansons, qu'elle élève le sujet, qu'elle l'éclaire, le dépouille de sa facilité pour qu'elle acquiert une profondeur, mais surtout pour qu'on se dise que ce qu'on écoute tous les jours nous imprègne d'une certaine manière, nous informe, nous donne une conduite, des règles tacites de vie. D'où cette deuxième attente, le fait qu'on sache, qu'on mette des mots enfin sur ce qui se joue en nous quand on écoute du hip-hop. Pourquoi est-ce que j'aime ce genre musical plus qu'un autre? Pourquoi tel rythme provoque en moi ce qu'il ne provoque pas chez d'autres? Pourquoi cette voix, ce phrasé, résonne en moi? Qu'y a-t-il donc dans cette chanson qui fait qu'instantanément elle me parle? Les éléments fondamentaux, les principes, la structure du break, les sagesses des rappeurs, tout cela est certes essentiel, mais ne dit pas de quoi est fait le hip-hop. Pas dans ses énoncés, ni son architecture, mais dans sa matière même. Est-il possible de penser le hip-hop à partir de sa texture, de ses sons, de ce que tout simplement on entend? Pétant sur les casses en tour, le cœur des logés ont cassé ma tour. Encore en retard, j'arriverai pas à l'heure, j'marche pas avec les putniks, j'attends le prochain tour. Cet été, j'me barque claque de trois pays, vu la vie que j'aurais pas. Loin du août, j'me réveille, vu la vie que j'aurais pas. Le bon char en mode veille, de retour, je l'aurai pas. La même heure, la même haisse, ça change, je le sais pas. Je vis, serre, j'm'enlève. Je vis, serre, j'bibi. Je vis, serre, j'm'enfuis. Je vis, serre. Je vis, serre, j'm'enlève. Je vis, serre, j'bibi. Je vais, serre, je m'en fais. L'usage de l'autotune que vous venez d'entendre, cet outil de correction des voix en studio, moqué à ses débuts mais devenu courant depuis la fin des années 2000 avec Booba, est très frappant. Pourquoi donc transformer ainsi sa voix? Pourquoi avoir fait de la correction ponctuelle un usage régulier? On veut beaucoup réhabiliter le hip-hop en tirant de ses paroles, de ses usages, de son contexte, une éthique, une politique, un rapport au monde. Mais il s'y joue d'abord quelque chose de physique, de sensoriel, comme dans ses voix trafiquées ou comme dans ses rythmes lourds quand d'autres utilisent des instrus évanescentes, psychédéliques. Qu'est-ce que dit donc cette forme qui n'est pourtant pas énoncée? Voilà, je crois, ce qui manque, une esthétique du hip-hop. Eh bien, il vous reste à l'écrire, Géraldine. Ah oui, pourquoi pas. Gros sujet, mais ça m'intéresserait. C'est vrai. Alors rappelez-nous le titre du livre, peut-être. Philosophie du hip-hop, qu'il faut lire, il est quand même très intéressant. Aux éditions XYZ, essai de Jérémy McEwen. Et on vous retrouve ce soir à 23h sur France Info. Sur France Info pour la chronique, chronique hebdomadaire, tous les jeudis. Exactement, dans le 23h avec Patricia Loison. Et vous parlerez de quoi? Ce soir, je vais parler du cinéma. Très bien. L'occasion des Césars. Tout un programme. On vous retrouvera donc à 23h et on peut réécouter votre chronique sur la philosophie du hip-hop en ligne sur le site du Journal de la Philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Jourda avec Manon de la Selle, Clara de Giovanni, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie, Thomas Beau qui a réalisé cette émission pour vous, Swad Boukorsa qui était la prise de son aujourd'hui, Georges Kless à la lecture des textes. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe. On sera demain en compagnie du philosophe François de Smet. Et je vous donne rendez-vous également ce samedi 29 février dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne où France Culture organise une journée spéciale autour du thème du conflit. Je vous donne rendez-vous à 11h30. Le débat portera sur la question suivante. A-t-on besoin des conflits? En compagnie de plusieurs philosophes, Hélène Leuillet, Pierre Judet de la Combe, Frédéric Worms et Alain Renaud. Entrée gratuite, réservation obligatoire sur le site de la Maison de la Radio. Pour réécouter cette série sur Épicure, vous pouvez la télécharger, la podcaster en vous rendant sur le site de France Culture. Et puis, on vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram.